Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons notre présentation sur le taoïsme. En fait, on doit d'abord préciser que le taoïsme s'est constitué comme une religion formelle seulement suite à l'introduction du bouddhisme dans la société chinoise à une époque relativement tardive, soit à partir du 1er siècle de notre ère. Avant cette période, les contours de ce qui se rattachait au taoïsme étaient flous, regroupant toute une panoplie de croyances, de pratiques et de perspectives sur le monde. Par exemple, dans le contexte des 100 écoles de pensée, on en retrouvait des fragments chez les cosmologistes, l'école de la voix ou encore l'école du yin et du yang. On retrouve dans le taoïsme une philosophie originale de la relation entre les individus en lien avec une relation intime face à la nature. Mais on y retrouve aussi une philosophie politique, telle que le courant Huanglao dont nous avons déjà parlé, un courant de pensée qui était très présent au début et à la fin de la dynastie Han, courant de pensée qui accordait autant de valeur à Huangdi, l'empereur jaune, ainsi qu'à Lao Tzu. Le taoïsme primitif est en fait un vaste courant hétéroclite dans lequel on retrouve pêle-mêle des techniques hygiénistes d'hygiène de vie, comme la préservation du souffle et l'alimentation, ainsi que des techniques extatiques inspirées du chamanisme rituel. À cela s'ajoute toute une série de superstitions populaires, des exorcismes, la quête de l'immortalité, la croyance aux esprits et aux fantômes, l'alchimie, etc. Ce qui semble commun à l'ensemble de ces conceptions aussi divergentes les unes des autres, c'est d'abord le concept du qi, qui représente le souffle ou l'énergie vitale qui nous habite. Si on avait à proposer une définition de ce que signifie le qi, on pourrait dire qu'il s'agit du souffle primordial qui nous habite ou encore de l'empreinte fondamentale exercée par le Tao en chaque être, chaque individu et chaque chose. De ceci, on peut déduire que parmi les objectifs principaux d'à peu près tous les taoïstes, il y a l'injonction d'être à l'écoute et surtout de mettre en valeur ce souffle primordial du qi qui nous habite, cette trace profonde et unique que la nature grave en chacun de nous. Par ailleurs, même si le Tao est pratiquement indéfinissable, puisque nous sommes dans un contexte pédagogique, on doit tout de même tenter de proposer une définition générale qui nous permet de voir l'étendue du champ sémantique que recouvre le concept du Tao. Cette délimitation du champ sémantique du Tao repose sur le fait que, dans la pensée chinoise primitive, il n'existe pas de différence notoire entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il existe plutôt, comme nous l'avons déjà évoqué, des correspondances, voire des résonances entre les différents ordres de grandeur. Conséquemment, on peut avancer la proposition suivante à l'effet que le Tao correspond d'abord à ce qui ressemble au pouls de l'univers, le rythme fondamental qui régit le mouvement de toute chose. Et en même temps, de manière simultanée, le Tao correspond à la voie qui mène vers la perfection morale visée par les hommes. C'est seulement vers la fin du 2e siècle de notre ère que le taoïsme commença à se structurer pour devenir une religion organisée. Avant cette date, on y retrouvait un amalgame complexe de croyances et de pratiques, incluant des cultes agraires, des superstitions populaires, l'animisme, l'alchimie, la quête de l'immortalité, et j'en passe. En fait, toutes les croyances non orthodoxes peuvent se retrouver derrière cette étiquette floue que représente le taoïsme primitif. Notons par ailleurs que le rapprochement opéré par les taoïstes entre la nature et les techniques hygiénistes vivant la préservation de l'énergie vitale, le qi, c'est un rapprochement qui a joué un rôle de premier plan dans le développement de la science et de la médecine chinoise. Par exemple, on trouve en Chine une pharmacopée excessivement riche et détaillée, qui est le résultat d'une habitude pour l'observation de la botanique, des expérimentations soutenues et une accumulation de connaissances sur les plantes, les différents mélanges et les effets qu'il est possible d'en obtenir. Parmi les penseurs les plus influents qui sont associés au taoïsme, on retrouve en première ligne Lao Tzu, qui aurait vécu entre 570 et 490 avant notre ère, et qui fut donc plus ou moins contemporain de Confucius. Lao Tzu est celui à qui on attribue un livre intitulé « Le classique de la voie et la vertu », soit le Tao Te Ching, un texte qui aurait été rédigé vers le 4e siècle avant notre ère. À travers ce texte, Lao Tzu s'inscrit en faux contre toutes les philosophies utilitaristes qui dominaient à l'époque des sans-écoles. Et il n'hésite pas à remettre en question l'idée même d'une certaine rentabilité de la pensée. Au contraire, Lao Tzu s'efforce de mettre en valeur le principe de l'indétermination des choses et des idées. Mais surtout, le fait que l'intuition et la spontanéité devraient être vues comme de véritables sources de connaissances, même au détriment des exercices de démonstration rationnelle si chers aux philosophes et aux penseurs de tout acabit. La nature est partout présente dans les écrits de Lao Tzu, alors que celui-ci tente de mettre en valeur ce qu'on pourrait appeler la fémilitude de la vie. Alors que la pensée chinoise s'exprime bien souvent en mode dualiste, l'aspect yin, c'est-à-dire l'aspect féminin de la vie que Lao Tzu met en valeur, exprime la passivité et la réception, au détriment de l'aspect yang, qui est davantage mis en valeur dans la société et en particulier au niveau politique. La pensée de Lao Tzu est aussi une pensée apophatique, c'est-à-dire une pensée qui s'exprime par une série de négations, ce qui permet de mettre en valeur de nombreux paradoxes insolubles. Par exemple, pour revenir à ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour le commencement du Tao Te Ching, Tao Ke Tao, Fei Chang Tao, Ming Ke Ming, Fei Chang Ming, c'est-à-dire, la voie qui peut être exprimée n'est pas la voie éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Ou ailleurs, cet autre passage du chapitre 47. Sans sortir de sa maison, on connaît le monde. Sans regarder par la fenêtre, on découvre la voie du ciel. Plus on s'éloigne et moins on apprend. C'est pourquoi le sage arrive à connaître sans se mouvoir, arrive à nommer sans regarder, accomplit sans intervenir. On trouve aussi au chapitre 51 « Zhi zhe pu yan, yan zhe pu zhi », soit « Celui qui connaît ne parle pas, celui qui parle ne connaît pas ». Ou encore, comme dernier exemple pour illustrer cette pensée apophatique, le début du chapitre 81 qui va comme suit. « Les paroles sincères ne sont pas élégantes, les paroles élégantes ne sont pas sincères. L'homme vertueux n'argumente pas. Celui qui argumente n'est pas vertueux. Celui qui connaît n'est pas savant. Celui qui est savant ne connaît pas. » Un autre penseur taoïste parmi les plus influents est sans contredit Chuangzi, de son nom Chuangzhou, ayant vécu entre 369 et 286 avant notre ère. Chuangzi était pour sa part un contemporain de Mencius. Les écrits associés à Chuangzi qui nous sont accessibles aujourd'hui, ce sont des écrits qui ont été compilés au 3e siècle. Mais encore de nos jours, les spécialistes n'arrivent pas à s'entendre, à savoir combien d'auteurs exactement ont rédigé les textes que nous connaissons qui sont associés à Chuangzi. Parmi les thèmes qui ressortent de sa pensée, on doit mentionner l'idée voulant que la métamorphose des choses est une constante et que par conséquent, le principe vital auquel les taoïstes s'attachent est aussi un principe qui est en constante mutation. Cette transformation continuelle qui prend parfois la forme d'une évolution entraîne une instabilité perpétuelle des identités. Et par conséquent, la notion de vérité est quelque chose qu'on ne peut comprendre hors du mouvement des choses. C'est dans le geste, dans le mouvement des choses, que se conçoit la compréhension du réel. Allant plus loin encore sur cette idée, Chuangzi met en valeur la relativité absolue des perceptions et des idées, allant même jusqu'à nous faire douter de la réalité. On le voit par exemple dans le rêve du papillon ou encore l'anecdote du poisson heureux. On raconte que Chuangzi avait un jour rêvé qu'il était un papillon. À son réveil, il était tellement stupéfait qu'il n'arrivait même plus à savoir s'il était Chuangzi qui venait de rêver qu'il était un papillon ou s'il était tout simplement un papillon en train de rêver qu'il était Chuangzi. Ailleurs, on raconte que Chuangzi se promenait avec un de ses disciples et en traversant un pont, il dit à son disciple que les poissons avaient de l'air heureux. Ce à quoi le disciple lui répondit, « Mais, vous n'êtes pas un poisson. Que connaissez-vous de la joie des poissons? » Ce à quoi Chuangzi lui répondit, « Mais toi, tu n'es pas moi. Alors comment peux-tu savoir ce que je connais ou ne connais pas de la joie des poissons? » Rejoignant en quelque sorte l'idée de Lao Tzu sur l'importance de parler sans parole, yen ou yen, la seule véritable communication qui peut nous aider à tendre vers une connaissance essentielle est une communication basée sur l'observation d'une expérience gestuelle qui se nourrit de l'intuition. Chuangzi est aussi connu pour faire l'éloge de la faiblesse, puisqu'avec le temps, la faiblesse se transforme toujours en force. Citons par exemple une personne handicapée qui échapperait à une mobilisation militaire pour servir l'effort de guerre. Cette personne pourrait ainsi vivre plus vieux que ses congénères qui seraient tous en santé et qui seraient pourtant partis au front et dont la plupart seraient morts à la guerre. Ou encore, on peut citer l'exemple d'un arbre tordu que personne ne voudrait couper dans sa jeunesse pour utiliser le bois de l'arbre. Cet arbre serait alors épargné sur le terrain et devenant ainsi majestueux à la mesure que les années passent. De manière générale, le désintéressement à l'égard de la chose politique est quelque chose de très important chez les taoïstes. Et le concept central qui illustre cette philosophie d'une forme de désintéressement est le Wu-wei. Il s'agit d'un concept sur lequel, il me semble, on retrouve de nombreuses confusions dans la littérature, notamment à cause de la traduction qui en est proposée. Nombreux sont ceux qui traduisent le Wu Wei en parlant du non-agir, ce qui suggère implicitement une forme de passivité à l'égard des choses du monde, ne pas agir, ce qui me semble particulièrement erroné. Pour cette raison, je préfère parler de non-ingérence, voire de non-interférence, pour illustrer toutes les implications du Wu Wei. L'idée maîtresse derrière ceci est que le Tao, la grande voix sublime du monde, agit en chaque être en y laissant une empreinte dynamique inimitable, ce qu'on appelle le Qi, l'essence des êtres. Or, puisque ce Qi est dynamique, ce que le Wu Wei des Taoïstes nous enseigne, c'est de ne pas intervenir contre cette dynamique qui est en nous et qui nous est propre. Ne pas tenter de la contraindre, ne pas tenter de la changer, c'est-à-dire ne pas s'interposer contre le Tao tel qu'il se présente en nous. Alors que Chuangzi nous propose comme explication du Wu Wei, laissez-vous aller à vos transformations naturelles. La meilleure représentation contemporaine qu'on pourrait en faire pourrait certainement ressembler à la chanson des Beatles, Let it be. Voilà pour le taoïsme. Et nous sommes donc rendus au dernier point de ce chapitre portant sur la religion, un point qui s'intitule « Introduction du bouddhisme en Chine ». Notons d'emblée que le bouddhisme qui s'est intégré à la Chine a été profondément marqué de syncrétisme, alors que les influences du taoïsme et du confucianisme y sont profondément enracinées. Les similarités sont parfois tellement proches que pendant longtemps, durant les premiers siècles de notre ère, certains Chinois voyaient le bouddhisme comme étant une simple variante du taoïsme. Et c'est seulement aux environs du 3e siècle de notre ère que la distinction devient claire dans les esprits entre le bouddhisme et le taoïsme. C'est au 1er et 2e siècle de notre ère que le bouddhisme a fait son apparition en Chine à l'époque de la dynastie Han. En fait, le bouddhisme a largement profité du contexte d'instabilité politique et de désintégration territoriale de la dynastie Han pour se diffuser dans les différentes régions de la Chine. Mais plus que tout, nous avons parlé précédemment d'une tendance à la désaffectation à l'égard du service public de la part des lettrés confucéens qui étaient désabusés par l'absence de moralité des acteurs politiques. Or, face à l'immoralité, à la brutalité et à la violence des mœurs politiques de leur pays, on sent un engouement intellectuel grandissant pour une recherche de sérénité, pour un retour à la nature, à la spiritualité et à une certaine ferveur mystique. Comme nous l'avons vu dans le contexte de l'écroulement de la dynastie Han, cette désaffectation à l'égard du service politique a profité d'abord aux sectes taoïstes chinoises comme la secte des cinq boisseaux ou encore les turbans jaunes. Mais cette désaffectation a aussi contribué à susciter une curiosité grandissante à l'égard de cette nouvelle religion qui commençait à se répandre en Chine. En plus de répondre à cette quête d'intériorisation et de sérénité intérieure, le bouddhisme va apporter en Chine une réponse plus optimiste aux fins dernières de la vie et donnant ainsi un sens à la mort, avec l'idée de la rédemption possible en face du mal. Sur le plan de la diffusion des idées en tant que telle, la présence du bouddhisme en Chine est directement reliée à la circulation de marchands sur les routes commerciales de l'Asie intérieure, un vaste réseau qu'on connaît comme étant les routes de la soie. La première mention historique que nous avons au sujet du bouddhisme est datée du 1er siècle de notre ère et elle concerne un dénommé Chang Tien, alors qu'il avait été envoyé en tant qu'émissaire diplomatique par la dynastie Han auprès des Xiongnu. C'est là qu'il serait revenu avec des textes de la religion, des textes qui se nomment des sutras, et c'est en 144 de notre ère que l'étude des textes débuta formellement. Avant cette date, les textes étaient totalement incompréhensibles pour les Chinois. Mais à partir de la création d'une petite école de traduction à Luoyang en 144 de notre ère, par un dénommé Han Shigao, l'étude des textes a débuté formellement. À partir de cet instant, les sutras, qui sont des sermons traditionnels bouddhistes, pouvaient donc être traduits en chinois. Signe de la lenteur de la progression de la nouvelle religion sur le territoire chinois, on sait qu'au 3e siècle, des moines bouddhistes se trouvaient dans la région de Nanjing et ils tentaient de convertir la population à leur foi sans vraiment de succès. On dit même qu'ils firent face à une certaine indifférence. Et même si pour plusieurs, l'attrait pour cette nouvelle proposition religieuse était très important, nombreux sont ceux qui avaient tout simplement de la difficulté à accepter l'idée de placer des textes qui venaient de l'étranger au-dessus des classiques de la Chine. Mais nous verrons la suite sur ce sujet pour la semaine prochaine. Pour notre dernière pièce musicale de la journée, on revient au thème de la terre, en évoquant cette fois le jardin, mais pas n'importe quel jardin. Le plus beau de tous les jardins, le jardin parfait en quelque sorte, du moins dans l'imaginaire judéo-chrétien. C'est une chanson d'un groupe emblématique de la scène musicale alternative de la Chine, le groupe PK14, PK Shisi, formé en 1997 dans la ville de Nanjing, avec son chanteur Yang Haisong, qui nous offre une voix tout à fait unique et remarquable. La chanson est tirée de l'album White Papers, Pai Pi Shu, paru en 2005, et c'est une chanson qui s'intitule Le Jardin d'Éden. C'est une pièce très entraînante qui nous raconte, à sa façon, ce qu'on peut interpréter comme une histoire de la chute du Jardin d'Éden. Alors qu'on y découvre que les codes sont inversés partout et que plus rien ne semble fonctionner comme avant. Une manière de dire et de montrer, et surtout de le danser à fond. Oui, oui, c'est le temps de se lever debout et de découvrir en dansant le grand mouvement des choses, le mouvement de la chute du Jardin d'Éden, et on découvre que cette chute, c'est peut-être parmi les meilleures choses qui nous soient arrivées jusqu'à ce jour. Voici donc le groupe PK14 avec sa pièce intitulée « Yitian Yuan, le jardin d'Éden ». Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xia zi zai tian ba. 醒来后发现这世界变了，可是这个世界怎么变也逃不出他的想象。预报员说明天街道上会出现新的浪潮，不过如果黑色的大雨落下，你也不要感到惊讶。